Chapitre 42e. Les derniers mots adressés par Olivier à Herminie avaient réveillé les chagrins dont elle s'était laissée distraire lors de l'arrivée imprévue du commandant Bernard et d'Ernestine. Ernestine, de son côté, resta quelques moments silencieuse, pensive, pour deux motifs. Elle était rêveuse, d'abord parce qu'elle se rappelait les regards singuliers qu'Olivier avait jetés sur elle en apprenant qu'il était officier. Regards dont Ernestine croyait comprendre la touchante et généreuse signification. Puis, la jeune fille ressentait un mélancolique bonheur en songeant que sa nouvelle amie était la jeune artiste que l'on avait appelée auprès de Madame de Beauménil pendant ses derniers moments. La rêverie d'Ernestine s'augmentait de l'embarras qu'elle éprouvait pour amener l'entretien sur les soins touchants dont sa mère avait été entourée par Herminie. Quant à la présence de Mademoiselle de Beauménil chez Herminie, rien de plus simple à expliquer. S'étant rendue comme d'habitude à la messe avec Mademoiselle de la Roche-Aigu, Ernestine avait dit à Madame l'aînée de l'accompagner, puis, au sortir de l'office, prétextant de quelques emplettes à faire, elle était ainsi partie seule avec sa gouvernante. Un fiacre les avait conduites non loin de la rue de Monceau, et Madame l'aînée attendait dans la voiture le retour de sa jeune maîtresse. Quoique le silence de la duchesse eût à peine duré quelques moments, Ernestine, remarquant la morne et pénible préoccupation où venait de retomber son amie, lui dit avec un mélange de tendresse et de timidité « Herminie, je ne serai jamais indiscrète, mais il me semble que depuis un instant vous êtes bien triste. »« C'est vrai, » répondit franchement la jeune fille, « j'ai un grand chagrin. »« Pauvre Herminie, » dit vivement Ernestine, « un grand chagrin. » »« Oui, et peut-être tout à l'heure vous en avouerai-je la cause. » Mais maintenant j'ai le cœur trop serré. Puisse votre douce influence, Ernestine, le détendre un peu. Alors je vous dirai tout. Et encore, je ne sais si je puis. Pourquoi cette réticence, Herminie? Ne me jugez-vous pas digne de votre confiance? Ce n'est pas cela, pauvre cher enfant, mais vous êtes si jeune, que je ne dois pas peut-être me permettre avec vous certaines confidences. Enfin, nous verrons. Mais pensons à vous. Il faut d'abord vous reposer sur mon lit. Vous serez plus commodément que sur cette chaise. Mais ma chère Herminie. » Sans répondre à la jeune fille, la duchesse alla vers son alcôve et en tira les rideaux, que par un sentiment de chaste réserve, elle laissait toujours fermés. Ernestine vit un petit lit de fer recouvert d'un couvre-pied de guingan rose très frais, pareil à la doublure intérieure des rideaux de Perse, et sur lequel s'étendait une courte pointe de mousseline blanche relevée d'une garniture brodée par Herminie. Le fond de l'alcôve était aussi tendu en guingan rose et l'oreiller, d'une éblouissante blancheur, avait une garniture de mousseline à point à jour. Rien de plus frais, de plus coquet que ce lit virginal sur lequel Ernestine, cédant aux prières de la duchesse, s'étendit admis. S'asseyant alors dans son fauteuil au chevet de l'orpheline, Herminie lui dit avec une tendre sollicitude en lui prenant les deux mains « Je vous assure, Ernestine, qu'un peu de repos vous fera grand bien. Comment vous trouvez-vous ? Je me sens la tête encore un peu pesante, voilà tout. Cher enfant, à quel affreux péril vous avez échappé ? Mon Dieu, Herminie, il ne faut pas m'en savoir gré. Je n'ai pas songé un instant au danger. J'ai vu ce pauvre vieillard glisser du talus et tombé presque sous la roue de la charrette. J'ai crié, je me suis élancée, et quoique je ne sois pas bien forte, je suis parvenue, je ne sais comment, à attirer assez M. Bernard de mon côté pour l'empêcher d'être écrasé. Vaillante et chère enfant, quel courage! Et votre blessure? C'est en me relevant que je me serais sans doute frappé à la roue. Dans le moment, je n'ai rien senti. M. Bernard, en revenant à lui, s'est aperçu que j'étais blessé. Mais ne parlons plus de cela. J'ai plus de peur que de mal. Et c'est être vaillante à bon marché. » Jetant alors autour d'elle des regards ravis, la jeune fille reprit. « Vous avez bien raison de me dire que votre petite chambre était charmante, Herminie, comme c'est frais et coquet, et ces jolies gravures, et ces statuettes si gracieuses, et ces vases remplis de fleurs. Il me semble que ce sont de ces choses bien simples que tout le monde pourrait avoir. Quand on pense, » ajouta la jeune fille avec une émotion contenue, que c'est par votre seul travail que vous avez pu acquérir toutes ces charmantes choses. comme vous devez être fière et heureuse, comme vous devez vous plaire ici. » Oui, répondit tristement la duchesse, je me suis plu ici pendant longtemps. Et maintenant, vous ne vous y plaisez plus? Oh, ce serait une ingratitude. Non, non, cette pauvre petite chambre m'est toujours chère, reprit vivement Herminie, en pensant que dans cette chambre elle avait vu Gérald pour la première et pour la dernière fois, peut-être. Ernestine ne savait comment trouver une transition qui lui permit d'amener l'entretien sur sa mère, sans éveiller les soupçons d'Herminie, mais avisant son piano, elle ajouta « Voilà ce piano dont vous jouez si bien, dit-on. Oh, que j'aurai de plaisir à vous entendre un jour. » « Ne me demandez pas cela aujourd'hui, je vous en prie, Ernestine. Je fondrai en larmes aux premières notes. Quand je suis triste, la musique me fait pleurer. » « Oh, je comprends cela. Mais plus tard, je vous entendrai, n'est-ce pas? Je vous le promets. » « À propos de musique, » reprit Ernestine en tâchant de se contraindre, « l'autre soir, quand j'étais assise chez Madame Herbeau, à côté de plusieurs jeunes personnes, l'une d'elles disait qu'une dame étant très malade, vous avez appelé auprès d'elle. » « Cela est vrai, » répondit tristement Herminie, essayant de trouver un refuge contre ses pénibles préoccupations dans le souvenir de sa mère. « Oui, et cette dame était celle dont je vous ai parlé l'autre soir, Ernestine, parce qu'elle avait une fille qui s'appelait comme vous. Et en vous écoutant, n'est-ce pas, les souffrances de cette dame devenaient moins vives? Parfois elle les oubliait, mais là, ce soulagement n'a pas suffi pour la sauver. « Bonne comme vous l'êtes, Herminie. » Quel soin touchant vous avez dû avoir de cette pauvre dame. C'est qu'aussi, voyez-vous, Ernestine, sa position était si intéressante et si navrante. Mourir jeune encore, en regrettant une fille bien aimée. Et de sa fille, elle vous parlait quelquefois, Herminie? Pauvre mère. Sa fille était sa préoccupation constante et dernière. Elle avait un portrait d'elle, tout enfant. Et souvent, j'ai vu ses yeux, pleins de pleurs, s'attacher sur ce tableau. Alors elle me disait combien sa fille méritait sa tendresse par son charmant naturel. Elle me parlait aussi des lettres qu'elle recevait d'elle presque chaque jour. À chaque ligne, me disait-elle, se révélait la bonté de cœur de cet enfant chéri. Pour être ainsi en confiance avec vous, Herminie, cette dame devait vous aimer beaucoup. Elle me témoignait une grande bienveillance, à laquelle je répondais par un respectueux attachement. Et la fille de cette dame, qui vous aimait tant, et que vous aimiez tout aussi. Vous n'avez jamais eu le désir de la connaître, cette autre Ernestine? Si, car tout ce que sa mère m'en avait dit avait éveillé d'avance ma sympathie pour cette jeune personne, mais elle était en pays étranger. Cependant, lorsqu'elle est revenue à Paris un instant, j'avais espéré de la voir. Comment cela, ma chère Herminie? Demandait Ernestine en dissimulant sa curiosité. Une circonstance m'ayant rapprochée de son tuteur, il m'avait dit que peut-être je serais appelé à donner à cette jeune demoiselle des leçons de piano. Ernestine tressaillit de joie. Cette pensée ne lui était pas jusqu'alors venue, mais voulant motiver sa curiosité aux yeux d'Herminie, elle reprit en souriant. Vous ne savez pas pourquoi je vous fais tant de questions sur cette jeune demoiselle. C'est qu'il me semble que j'en serais jalouse. Si vous alliez l'aimer mieux que moi, cette autre Ernestine. Oh, rassurez-vous, dit Herminie en secouant mélancoliquement la tête. « Et pourquoi ne l'aimeriez-vous pas ?» dit vivement Mademoiselle de Boisménil, qui, regrettant cette expression d'inquiétude involontaire, ajouta « Je ne suis pas assez égoïste pour vouloir priver cette demoiselle de votre affection. » « Ce que je sais d'elle, le souvenir des bontés de sa mère, lui assureront toujours ma sympathie. Mais hélas, ma pauvre Ernestine, tel est mon orgueil. » Que je craindrais toujours que mon attachement n'eût l'air intéressé. Cette jeune demoiselle est très riche et je suis pauvre. Ah, dit amèrement Mademoiselle de Beauménil, c'est avoir bien mauvaise opinion d'elle, sans la connaître. Détrompez-vous, Ernestine. Je ne doute pas de son bon cœur, d'après ce que m'en a dit sa mère. Mais pour cette jeune personne, ne suis-je pas une étrangère? Puis, à cause de plusieurs raisons et surtout, de crainte de réveiller en elle de cruels regrets. C'est à peine si j'oserais lui parler des circonstances qui m'ont rapproché de sa mère mourante, des bontés qu'elle a eues pour moi. Ne serait-ce pas d'ailleurs avoir l'air de chercher à me faire valoir et d'aller au-devant d'une affection à laquelle je n'ai aucun droit? À cet aveu, combien Ernestine se félicita d'avoir été aimée d'Herminie, avant d'être connue pour ce qu'elle était réellement. Et puis, rapprochement étrange, elle craignait de ne rencontrer que des affections intéressées, parce qu'elle était la plus riche héritière de France, tandis qu'Herminie, parce qu'elle était pauvre, craignait que son affection ne parût intéressée. La duchesse semblait de plus en plus accablée depuis la dernière moitié de cet entretien. Elle avait cru y trouver un refuge contre ses cruelles pensées, et fatalement elle s'y voyait ramenée. Car c'était aussi dans le sublime orgueil de sa pauvreté, craignant de devoir attribuer à l'intérêt ou à son amour pour Gérald, qu'Herminie avait puisé la fière résolution qui devait presque infailliblement ruiner ses dernières espérances. Comment espérer en effet que la duchesse de Senneterre consentirait à la démarche exigée d'elle? Mais hélas, quoique assez courageuse pour sacrifier son amour à la dignité de cet amour même, Herminie n'en ressentait pas moins tout ce que ce sacrifice héroïque avait d'affreux pour elle, à mesure qu'elle y songeait davantage. Aussi, faisant allusion presque malgré elle à ses douloureux sentiments, elle dit d'une voix altérée, en rompant la première un silence de quelques instants, « Ah, ma pauvre Ernestine, qui croirait que les plus purs, les plus nobles, peuvent être souillés par des soupçons infâmes ?» Et incapable de se contenir plus longtemps, elle fondit en larmes, en cachant son visage dans le sein d'Ernestine, qui alors, à demi couché, se releva et serra son amie contre son cœur en lui disant « Herminie, mon Dieu, qu'avez-vous? Je m'apercevais bien que vous deveniez de plus en plus triste, mais je n'osais vous demander la cause de votre peine. N'en parlons plus, » reprit Herminie, qui semblait rougir de ses larmes. « Mais pardonnez-moi cette faiblesse, mais tout à l'heure, des souvenirs pénibles. » « Herminie, je n'ai aucun droit à vos confidences, mais pourtant quelquefois l'on souffre moins en parlant de sa souffrance. Oh oui, car cela oppresse, cela tue, une douleur, une contrainte, mais l'humiliation, mais la honte. Vous, humiliée, vous, éprouvez de la honte, Herminie, non, jamais, vous êtes trop fière pour cela. Eh, n'est-ce pas une lâche faiblesse, une honte que de pleurer comme je fais ? Après avoir eu le courage d'une résolution juste et digne. » Et après un moment d'hésitation, la duchesse dit à Ernestine, « Ma pauvre enfant, ne regardez pas ce que je vais vous dire comme une confidence. Votre extrême jeunesse me donnerait des scrupules, mais dans ce récit, voyez une leçon. » « Une leçon ? » ?»« Oui, comme moi vous êtes orpheline. Comme moi vous êtes sans appui, sans expérience qui puisse vous éclairer sur les pièges, sur les tromperies dont de pauvres créatures comme nous sont quelquefois entourées. Écoutez-moi donc, Ernestine, et puissiez-je vous épargner les douleurs dont je souffre. » Et Herminie raconta à Ernestine cette scène dans laquelle, justement offensée contre Gérald, qui s'était permis de payer ce qu'elle devait, et le traitant d'abord avec hauteur et dédain, la jeune fille lui avait ensuite pardonné, touchée du généreux sentiment auquel Gérald avait réellement cédé. Puis Herminie continua en ces termes. Deux jours après cette première rencontre, voulant me distraire de souvenirs qui, pour mon repos, prenaient déjà sur moi trop d'empire, j'allais le soir chez Madame Herbeau, c'était le dimanche. Quelle fut ma surprise de retrouver ce même jeune homme dans cette réunion. J'éprouvais d'abord une impression de chagrin, presque de crainte, sans doute un pressentiment. Puis j'eus le malheur de céder à l'attrait de cette nouvelle rencontre. Jamais jusqu'alors je n'avais vu personne qui eût, comme lui, des manières à la fois simples, élégantes et distinguées, un esprit brillant et enjoué, mais toujours d'une réserve du meilleur goût. Je déteste les louanges. Et il trouva moyen de me faire accepter ses flatteries tant il sut y mettre de délicatesse et de grâce. J'appris dans la soirée qu'il se nommait Gérald et que... « Gérald ?» dit vivement Ernestine, en songeant que le duc de Senneterre, l'un des prétendants à sa main, se nommait aussi Gérald. Mais un coup de sonnette qui se fit entendre attira l'attention d'Herminie et l'empêcha de remarquer l'étonnement de Mademoiselle de Beauménil. Celle-ci, à ce bruit, se leva du lit où elle était assise, pendant qu'Herminie, très contrariée de cette visite inopportune, se dirigea vers la porte. Un domestique âgé lui remit un billet contenant ces mots. « Il y a plusieurs jours que je ne vous ai vu, ma chère enfant, car j'étais un peu souffrant. Pouvez-vous me recevoir ce matin ? Tout à vous, bien affectueusement. » Maillefort. P.S. Ne vous donnez pas la peine de me répondre, si vous voulez, de votre vieil ami, dites seulement oui au porteur de ce billet. » Herminie, tout à son chagrin, fut sur le point de chercher un prétexte pour éviter la visite de Monsieur de Maillefort, mais réfléchissant que le marquis, appartenant au grand monde, connaissait sans doute Gérald, et que, sans livrer son secret au bossu, elle pourrait peut-être avoir par lui quelques renseignements précis sur le duc de Senneterre, elle dit au domestique « J'attendrai ce matin Monsieur le marquis de Maillefort. » Puis, revenant dans sa chambre où l'attendait Mademoiselle de Beauménil, Herminie se dit « Mais si Monsieur de Maillefort vient pendant qu'Ernestine est encore ici ? » ?»« Eh bien, peu importe qu'elle le voie chez moi. Elle a maintenant mes confidences. Et d'ailleurs, la chère enfant est si discrète qu'à l'aspect d'un étranger, elle me laissera seule avec lui. » Herminie continua donc son entretien avec Mademoiselle de Beauménil sans lui parler de la prochaine visite de Monsieur de Maillefort, de crainte qu'Ernestine, par convenance, ne la quittât plus tôt qu'elle ne se l'était proposée.